podcast France Culture. La préhistoire du futur de Benjamin Habitant, saison 3. Maintenant en podcast natif. Troisième épisode, les gens sont des cons. Il y a bien longtemps, dans les années 2020 ou quelque chose, on finit par se rendre à l'évidence. Les gens étaient des cons. Eh ben avance, du con, tu vois pas que c'est vert. Bien sûr, on s'en doutait déjà depuis un moment. Mais c'est un livre de Jean-Samuel Schmott qui mit vraiment le doigt là où ça faisait mal. Avec moi dans ce studio, le célèbre historien et démographe Jean-Samuel Schmott. Vous publiez cette semaine un nouvel ouvrage au titre choc. Les Français sont des gros cons. Alors s'il fallait le résumer en quelques mots, peut-être en une phrase, hein, qu'est-ce que vous diriez? Bon, je vous laisse nous l'expliquer, Jean-Samuel Schmott. Oui, bien volontiers. Alors ce titre est un peu provocateur, évidemment, mais mon livre se fonde entièrement sur des données statistiques. C'est là que c'est intéressant. J'ai analysé le comportement des Français sur environ 300 ans, à différents plans de leur vie, donc intime, professionnel, religieux, économique, social et politique. Il en ressort que presque 74% des Français sont des cons. Alors 74%, c'est énorme. Ça veut dire les trois quarts des auditeurs de cette chaîne, ça veut dire aussi au moins l'un d'entre nous dans ce studio, donc soit vous, soit moi, bon. Enfin, heureusement, il y a quand même les techniciens, faut pas les oublier. C'est vrai. Alors, non seulement des cons, mais attention, des gros cons. C'est pas pareil. Hein, je vais vous donner un chiffre. 4 secondes. Vous savez ce que c'est, 4 secondes? Non, d'ailleurs, je dois être peut-être trop con pour... 4 secondes, c'est le temps médian que met un automobiliste en France, une fois que le feu est passé au vert, pour klaxonner la personne qui est devant lui. Vous vous rendez compte? Pas le temps moyen, hein, le temps médian. Est-ce que vous saisissez la différence? Eh ben non, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris. Hein. Merci, hein, de Jean-Samuel Schmott, d'être venu nous voir. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Dans l'immédiat, on commença par bouder. Les gens partageaient des caricatures de Jean-Samuel Schmott sur les réseaux sociaux. Avec des légendes telles que « C'est celui qui dit qui est » ou « Ça serait pas plutôt ta mère ». Il était invité sur tous les plateaux. La plupart du temps pour qu'on lui jette des tomates. Ah bah oui, évidemment, ça fait pas forcément plaisir. Hein. Mais bon, les chiffres sont là. J'ai envie de vous jeter des tomates, moi aussi, Jean-Samuel Schmott. Est-ce que je peux vous jeter des tomates? Oh mais oui, allez-y. Merci. Cependant, quoi qu'on en dise... La démonstration de Schmott était irréfutable. Et elle seule permettait d'expliquer certains grands mystères du monde moderne. Finalement, les gens aiment toujours autant les flics. C'est le résultat d'un sondage publié hier matin. Record d'audience hier soir pour Avatar 4, doublé en français avec des pubs toutes les 10 minutes. Devant la Ligue des Champions et Julie Lescaut. On apprend à l'instant, les chiffres d'audience de la veille font toujours partie des rubriques infos préférées des Français. Alors ? Quand on eut jeté suffisamment de tomates sur Jean-Samuel Schmott, on examina enfin les causes du problème. D'abord, on se demanda si le système scolaire n'était pas responsable. Oui, pour ceux qui ont pris l'option PS5, n'oubliez pas que votre score médian à Call of Duty compte pour la note du bac. Non, sérieux. Et là-dessus, Schmott était formel. Quand les gens n'allaient pas à l'école, ils étaient encore plus cons. Même s'il y en avait plein qui étaient beaucoup allés à l'école et qui étaient quand même très cons. Bref, il n'y avait pas de règles. L'école de la République faisait partie des suspects, mais ce n'était pas le coupable idéal. Les soupçons se tournèrent alors vers le divertissement de masse. Professeur, regardez ce que j'ai trouvé sur TF1. Attention, Christelle. C'est la troisième énigme. Troisième indice, troisième clé, troisième slip. Christelle, vous pensez avoir la place d'enfiler un troisième slip? Oh oui, s'il n'est pas trop serré. Alors on y va. Christelle... Quelle est la différence entre un Belge, un rabbin et une tartiflette? Oh, alors là, moi, je sais pas. Tout simplement fascinant. Sur la première chaîne, vous dites? Oui, et en prime time. D'après les instruments de mesure, on est à 6,9 sur l'échelle de la gaffe, c'est remarquable. Enregistrez un prélèvement d'une heure et faites-le visionner par un cobaye. C'est fait. Le sujet 8 est devant depuis hier. Alors? Son temps de patience au feu vert est tombé à 1 seconde 8 avant klaxon. Magnifique. On tient peut-être quelque chose. Voulez-vous donner votre langue au chat? Oui, je donne ma langue au chat. Vous enlevez votre slip, Christelle? Oui, j'enlève mon slip. Mais cet espoir lui aussi fut déçu. Si la télé était débile, c'est précisément parce que les gens étaient des cons. Et non pas l'inverse. Puisque la télé elle-même était de toute façon faite par des gens. Et on se disait qu'à chaque épreuve réussie, les candidats pourraient mettre un slip supplémentaire. Intéressant. Ils auraient donc de plus en plus de slips. Ou de moins en moins. Vous avez un titre? Enlève ton slip. On va faire un pilote. On tient peut-être quelque chose. En attendant, on ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait trouver une solution. Mais si tout le monde était con, vers qui se tourner ? Dans mon livre, il y a quand même des solutions qui sont proposées. Merci, merci, ça va bien. En tout cas, on était allé un peu vite en faisant de la connerie un problème franco-français. Car bien que Schmott se fût borné aux données de l'INSEE, les gens étaient des cons au niveau planétaire. Et ça, il n'était pas difficile de s'en convaincre. Tu m'as dit que t'avais mangé quoi à Toronto déjà ? De la pizza au sushi ? Ah ouais, c'est dit. On se fit alors cette réflexion que tout était relatif. Et qu'une façon de régler le problème était de rendre plus cons ceux d'entre nous qui ne l'étaient pas assez. Vous sentez quelque chose quand j'appuie là ? Non. Et là ? Non plus. Passez la tête entre les deux électrodes, s'il vous plaît. D'accord, mais pourquoi ? Et voilà, c'est terminé. Ah, bah ça va beaucoup mieux. Merci, docteur. Maintenant, à la salle de sport. Je vais juste prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. Il y eut quelques effets indésirables. Notamment le volume des klaxons au feu vert. Heureusement, la voiture autonome arriva pile à point nommé pour nous tirer de là. On est bientôt arrivés. Non, c'est un peu plus loin. Je peux regarder un autre épisode d'Enlève ton slip ? Alors c'est le dernier de chez dernier. Après, on fait dodo. Dernier de chez dernier. De même que le robot qui fait les courses devait bientôt nous dispenser de rédiger des listes et mémoriser des codes de carte bleue. 29,90€. Vous avez la carte du magasin ? Non. Vous voulez la faire ? Ça prend 2 minutes. Non, merci. Je viens pas souvent. Et que dire de l'intelligence artificielle qui nous écrivait des podcasts juste assez cons, mais pas trop, mais juste assez ? Ou de celle qui lisait les livres de la rentrée littéraire et rédigeait des avis à notre place sur les réseaux sociaux ? Jean-Samuel Schmott ne dit pas que des conneries, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant. Bref, il y a à boire et à manger. 3,5 étoiles sur 5. Bref, le problème, c'était cet entre-deux. Et qu'il faut savoir déléguer. C'est la clé. Maintenant que les gens sont vraiment tous cons... Ça va mieux. On respire enfin. C'était la préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Avec Elisabeth Mazev, Mario Bastelica, Juliette Alozen, Cyril Texier, Laure Sully, Benoît Guibert, Adeline Chagnot, François Debreuil, Annabelle Croze, Samuel Roger, Laurence Maillot, Alain Forloger, et les voix de Nicolas Ballu, Guillaume Erner, Alice Cachaner et Anne Ronstein. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Benjamin Habitant.